Section 73 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 73. Le chassepot du petit Jésus, conte de Noël, par Jean Richepin. Chapitre 2. Le lendemain et le surlendemain, l'enfant vécut avec nous, et personne n'eut le courage de lui dire qu'on n'engageait pas des francs-tireurs de 13 ans. Chaque jour, plus ardemment, il demandait un fusil et s'irritait de ne pas être habillé et armé en soldat. « Si vous partiez demain, disait-il, je ne serais pas prêt et vous ne voudriez pas m'emmener. » Ce soir-là, c'était Noël. On s'arrangea pour faire un petit réveillon chez le brave homme qui nous logeait à 10 au Chaperet, faubourg de Besançon. Le petit devait en être. Cela l'égayerait. On le mit donc couché sur les 7 heures et on lui promit de venir le réveiller à minuit. À 11h30, j'étais là, un peu en avance. Je montais à la chambre où dormait l'orphelin, pour laisser la salle d'en bas à la mère Godot qui préparait le réveillon. L'enfant dormait et ma lumière ne le réveilla pas. Il faisait froid dans cette pièce et machinalement, je regardais la cheminée. Oh, force des habitudes douces ! L'enfant, oubliant sa douleur, avait mis dans l'âtre ses souliers, comme au bon temps où le petit Jésus lui apportait son Noël. L'innocent ne savait pas que sa mère étant morte, petit Jésus aussi était mort. Et confiant, il attendait dans un tranquille sommeil le présent du bon Dieu. Quelle désillusion au réveil! Comme cela lui semblerait triste de se voir abandonné du ciel. Ses parents tués, lui seul au monde. Voilà donc que le petit Jésus aussi l'oubliait. Comme il allait se sentir doublement orphelin. Tout à coup, une idée me prit, dégringolant l'escalier. « Mère Godot, m'écriai-je, le petit dort là-haut. Faites en sorte qu'on ne le réveille pas avant mon retour. Dites à mes amis que c'est dans son intérêt. Attendez-moi pour commencer le réveillon. » Et je filai vers l'arsenal, où je connaissais un maître armurier. À minuit, quelques minutes, j'étais là. Tout le monde m'attendait. « Ah, ça, qu'est-ce que cela signifie ?» dit le sapeur. « Laisse, laisse !» répondis-je, en dissimulant quelque chose sous ma capote. « L'enfant n'est pas réveillé, au moins. » « Mais non, parbleu !» Je montai alors à pas de loup, sans vouloir dire ce que j'allais faire. « Là, maintenant, » fis-je en redescendant, « appelez-le, si vous voulez, mais d'ici. » On cria, on cogna au plafond, et presque aussitôt, on vit arriver l'enfant radieux, en chemise avec un képi, une cartouchière au flanc, et brandissant un petit chassepot de cavalerie. « Vive Noël !» criait-il. « Voyez le beau chassepot du petit Jésus !» Fin de la section 73, enregistré par Margot.